L'odeur du buis, par François Copé. Chapitre 1er. Jamais ! S'écria le père Bourgueil en se levant avec violence et en jetant sa serviette sur la table. Jamais ! Tu m'entends bien ? Jamais ! Et tandis que le vieux maître maçon arpentait furieusement la salle à manger, avec de brusques volte-face d'ours en cage, en faisant craquer ses lourdes bottes, maman Bourgueil, tenant baissée sur son assiette ses yeux humides de larmes, épluchait machinalement des amandes sèches. Depuis 2 ans, la même dispute éclatait souvent entre ces deux époux, comme cette fois encore, à la fin du repas, au moment du dessert. Car il y avait 2 ans qu'ils étaient brouillés avec leur fils Édouard, et qu'il avait épousé, contre leur consentement, une maîtresse, trouvée par lui on ne savait où, au quartier latin, du temps qu'il achevait ses études de droit. Comme il l'avait aimé, gâté dès son enfance, cet Édouard, leur enfant unique, venu après 10 ans de ménage, quand il n'espérait plus. Tout de suite, Bourgueil, l'ancien compagnon, alors déjà petit entrepreneur, avait dit à sa femme « Tu sais, Clémence, on est en train de rafistoler Paris de fond en comble avec ce diable de Haussmann. Le bâtiment va fort et, si cela continue, j'aurai fait fortune dans 12 ou 15 ans d'ici. Aussi, j'espère bien que ce petit paroissien-là n'aura pas besoin de grimper dans les échafaudages, comme son papa, et de rentrer tous les soirs éreinté, avec des taches de plâtre sur sa veste grise. Nous en ferons monsieur, n'est-ce pas, la bourgeoise ?» Et les choses s'étaient passées comme le désirait le père. Édouard fut au lycée Louis-le-Grand, un brillant élève, et Bourgueil, le paysan arrivé à Paris du fond du Limousin, avec une paire de souliers de rechange et 2 pièces de 100 sous nouées dans un coin de son mouchoir, eut l'orgueil de voir son fils félicité par M. le ministre à la distribution des prix du concours général. Un sujet d'avenir, quoi, qui passerait en se jouant en licence et doctorat, qui pourrait aborder n'importe quelle carrière. Et nous laisserons à ce gaillard-là 25 000 livres de rente, disait le père Bourgueil, en frappant du plat de sa grosse main l'épaule de sa femme. Et sa perlipopette, il s'agira bientôt de le marier, hein, la mère, et de trouver une jolie fille, bien éduqué comme lui, qui le rende heureux et qui nous fasse honneur. Ah, ils étaient loin, ces beaux projets. Le jeune homme, à qui, par faiblesse, ils avaient meublé une chambre en ville, avait rencontré cette fille, une traînée, parbleu, et s'était mis avec elle. Et les études n'avaient plus marché. À 25 ans, Édouard n'avait pas même fini sa thèse de licence. Très triste, très déçu, les vieux parents ne désespéraient encore de rien pourtant. Il songeait « Jeunesse passera ». Mais un jour, l'idiot avait l'audace de leur déclarer qu'il adorait sa maîtresse et qu'il voulait l'épouser. Oh, si le père Bourgueil n'avait pas été foudroyé d'apoplexie, c'était une chance, par exemple, car ses oreilles s'étaient gonflées de sang à en éclater. Il avait chassé son fils, lui coupant les vivres. « Si tu donnes mon nom à cette coquine !» s'était écrié le vieux maçon, cramoisi de colère. N'attends pas un sou de nous deux avant notre mort. » Mais le méchant, l'ingrat enfant, les avait outragés jusqu'au bout, leur envoyant les sommations légales, rompant toute relation avec eux, et maintenant il s'était marié avec sa poupée, et il vivait d'un misérable salaire de commis au fond d'une banlieue comme un pauvre. Certes, depuis 2 ans qu'ils ne voyaient plus leur fils, les vieux époux avaient cruellement souffert. Mais dans les derniers temps, la situation s'était encore aggravée. La faute de la maman, voyez-vous. Elle était trop malheureuse aussi, et elle avait fléchi la première. Sa colère était moins forte que son chagrin. Elle penchait maintenant du côté du pardon. Enfin, elle osa en parler à son mari. Mais il eut un accès de fureur, lança un « jamais » dont les vitres tremblèrent, défendit à la pauvre femme de dire un mot de plus sur ce sujet. Elle ne put que lui obéir, essaya de plaider encore la cause du coupable. Mais à chaque tentative nouvelle, le père Bourgueil entrait en rage, faisait une scène terrible et se fit l'enfer à la maison. Ces 2 vieilles gens, qui n'avaient pas un reproche à se faire, qui avaient vécu et travaillé côte à côte pendant plus de 30 ans et qui s'étaient fidèlement et solidement aimés, devinrent presque des ennemis, vécurent sur le pied de guerre. Chaque soir, à la fin du dîner, les hostilités recommençaient et la discussion finissait toujours par des mots qui blessent le cœur. « Tiens, veux-tu que je te dise, Bourgueil, tu es sans pitié. Et bien toi, la vieille, sache-le une fois pour toutes, tu es par trop lâche. » et le maître maçon sortait en faisant claquer la porte. Alors, restée seule auprès de la lampe, dans ce salon cossu où elle gardait ses anciennes habitudes de femme du peuple et ses bonnets de linge, la vieille maman pleurnichait sur son tricot, et Bourgueil, qui s'ennuyait chez lui à présent en face de cette triste figure, allait rejoindre au café voisin quelques habitués qui l'attendaient pour la partie de Manille. Là, tout en donnant les cartes, il déblatérait contre les mœurs du temps, où l'autorité paternelle était méprisée par les enfants, où se perdait chaque jour davantage le respect de la famille. Lui, du moins, il donnerait le bon exemple. Il serait sévère jusqu'à la fin envers le rebelle. C'était même son unique sujet de conversation, et malgré le prestige que lui donnait sa fortune, ses compagnons de jeu le traitaient parfois, après son départ, d'ennuyeux personnages et de vieux raseurs. Mais en sa présence, on plaignait son malheur et on louait sa fermeté. Il y avait surtout l'employé des contributions, celui dont la pipe sentait si mauvais, qui répondait invariablement aux imprécations du bonhomme contre son fils par cette phrase approbative « Bravo, père Bourgueil, vous êtes un Romain !» En réalité, le père Bourgueil était de la Haute-Vienne et ne possédait sur l'Antiquité que des notions très confuses. Néanmoins, il connaissait vaguement l'histoire du vieux Brutus, et la pensée qu'il était un homme de cette trempe-là flattait agréablement son amour-propre. Cependant, quand il sortait du café et se trouvait tout seul dans la nuit, il se disait « Oh, tout bas !» que ce Brutus avait l'âme bien dure et que c'était affreux de condamner son fils à mort.